Quand on commence à parler de givre, c'est qu'on est déjà dans des saisons froides. Il est alors souvent nécessaire de racler le pare-brise, et si on ne l'a pas fait sur la lunette arrière, on utilise alors le dégivrage électrique. Le matin, parfois, une fine couche de buée recouvre l'intérieur des vitres de la voiture. En effet, l'humidité de l'air s'est condensée dans la nuit sous forme de gouttelettes sur les vitres refroidies par la baisse de température. Lorsque la lunette arrière est elle aussi recouverte de buée quand il pleut, le dégivreur est très efficace pour s'en débarrasser. Réponse A.